L'innocence, oui, mais avec des souvenirs qui dorment et se réveillent. Saint-Pour est parti en voyage avec son ami Édouard. Il loge dans une auberge où il passa autant de son voyage dans le Valais. Pendant le voyage, un laquais est tombé de cheval et on l'a saigné. Édouard et Saint-Preux ont bu du punch. De plus, Milord Édouard lui a appris qu'il serait chargé de l'éducation des enfants de Julie. Et voilà qu'en s'en allant coucher, il reconnaît l'ancienne chambre. Saint-Preux est Cléry à Claire. À cet aspect, je sentis une impression que j'aurais peine à vous rendre. J'en fus si vivement frappé que je crus redevenir à l'instant tout ce que j'étais alors. 10 années s'effacèrent de ma vie, et tous mes malheurs furent oubliés. Hélas, cette erreur fut courte, et le second instant me rendit plus accablant le poids de toutes mes anciennes peines. Quelles tristes réflexions succédèrent à ce premier enchantement! Quelles comparaisons douloureuses s'offrirent à mon esprit! Ô temps, temps heureux, tu n'es plus! J'aimais, j'étais aimé. Je me livrais dans la paix de l'innocence, au transport d'un amour partagé. Je savourais à longs traits le délicieux sentiment qui me faisait vivre. La douce vapeur de l'espérance enivrait mon cœur. Une extase, un ravissement, un délire absorbaient toutes mes facultés. Ah, sur les rochers de Maillerie, au milieu de l'hiver et des glaces, d'affreux abîmes devant les yeux, quel être au monde jouissait d'un sort comparable au mien? Et je pleurais, et je me trouvais à plaindre, et la tristesse osait approcher de moi. Que ferais-je donc aujourd'hui que j'ai tout possédé, tout perdu? J'ai bien mérité ma misère, puisque j'ai si peu senti mon bonheur. Je pleurais alors. Tu pleurais. Infortuné, tu ne pleures plus. Tu n'aimes plus le droit de pleurer. Que n'est-elle pas morte? Osais-je m'écrier dans un transport de rage? Oui, je serais encore moins malheureux. J'oserais me livrer à mes douleurs. J'embrasserais sans remords sa froide tombe. Mes regrets seraient dignes d'elle. Je dirais, elle entend mes cris, elle voit mes pleurs, mes gémissements la touchent, elle approuve et reçoit mon pur hommage. J'aurais au moins l'espoir de la rejoindre, mais elle vit, elle est heureuse, elle vit, et sa vie est ma mort, et son bonheur est mon supplice. Je suis 100 fois plus loin d'elle que si elle n'était plus. Je me couchai dans ces tristes idées. Elles me suivirent durant mon sommeil et le remplirent d'images funèbres.